Quand tu m'avais quitté, je ne pensais pas te retrouver. J'ai cherché à me venger avec la première que j'ai trouvée. Un long mois s'est découlé, on a fini par se retrouver. Mais pendant que je doutais, j'ai fait une chose qu'on ne peut réparer. Yeah. J'ai fait le con, je t'ai menti, menti. Tu l'as pas vu, pas senti, senti. Donc j'ai continué de te mentir, mentir. Mais c'était de pire en pire. Elle est revenue pour me dire qu'elle attendait un petit, petit. Je l'ai pas vu, pas senti, senti. J'aurais dû prendre le risque de t'en parler. Tu méritais des explications, mais j'ai préféré garder. Aujourd'hui je t'ai rendu triste, je suis sincèrement désolé. Je comprendrais si tu me quittes, si tu décides de t'en aller. Et c'est de ma faute à moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. Je dois tout assumer. Et c'est de ma faute à moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. C'est toi que j'ai mon bébé. Et c'est ma faute à moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. Je dois tout assumer. Et c'est de ma faute à moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. Je vais jamais le supporter. C'était qu'un coup d'un soir, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Y'avait pas de relation, non pas de love. J'ai voulu cacher ça, mais c'était sans savoir pour le gosse. Je savais pas. Je sais bien qu'il est trop tard pour raconter l'histoire. Je te demande de me croire, ma baby love. Maintenant que je sais tout ça, je ne peux pas faire semblant, j'ai pas la force. Donc si tu décides de partir, partir, je n'ai pas le droit de te retenir, retenir. Je sais que ça va changer ta vie, mais je veux pas te laisser partir, partir. Je sais que je dois en payer le prix, mais au fond j'ai qu'une envie, envie. C'est tenter de te retenir, retenir. J'aurais dû prendre le risque de t'en parler. Tu méritais des explications, mais j'ai préféré garder. Aujourd'hui je t'ai rendu triste, je suis sincèrement désolé. Je comprendrais si tu me quittes, si tu décides de t'en aller. Et c'est de ma faute à moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. C'est de ma faute à moi, mais je ne peux pas te laisser tomber. C'est parce que je t'aime. Et c'est ma faute à moi, mais je ne peux pas le laisser tomber. C'est de ma faute à moi, mais je ne veux pas te laisser tomber.